Souvenir d'un marchand de tableaux, chapitre 15. Le prix des peintres. La littérature jugée par les peintres. Le point de vue des commis libraires. De tout temps, les littérateurs se sont arrogés le droit de juger les peintres. Pourquoi les peintres, à leur tour, ne jugeraient-ils pas les écrivains? Cette considération m'amena à offrir un prix des peintres qui devait être décerné à un écrivain par un jury d'artistes. Quand le fondateur d'un prix compose lui-même son jury, il peut être suspecté de faire un choix inspiré de ses préférences personnelles. Pour ne pas donner prise à pareille critique, je fis appel à des peintres représentant les tendances les plus opposées, depuis Albert Besnard jusqu'à Vlaminck, en passant par Van Dongen et Paul Chabat. Ainsi, l'Institut et les Fauves se trouveraient réunis, autour de la même table, au déjeuner à l'issue duquel le lauréat serait proclamé. Les artistes qui acceptèrent de faire partie du jury ne se doutaient pas de l'avalanche de livres qui allait leur tomber dessus. Ayant à voir M. Albert Besnard, je me rendis à son atelier. Dès qu'il m'aperçut, sans dire un seul mot, il me désigna de la main les ouvrages qui débordaient de partout. « Et il reste encore toute une semaine avant l'attribution du prix ?» fit-il mélancoliquement. « Au moins, lui dis-je, vous les avez reçus en plein jour, tous ces volumes ?» Et, sur sa réponse affirmative, mais où perçait l'étonnement qu'on eût pu venir lui apporter des livres la nuit, « Eh bien, je voyais dernièrement Sem. C'est aux environs de minuit qu'on frappa à sa porte. Un candidat a porté ses œuvres complètes, toute une pile de volumes. » Il expliqua qu'il venait seulement de trouver l'adresse du peintre et que, pour ne pas réveiller le concierge, il avait sonné à toutes les portes. Le jour du vote, au moment où l'on se mettait à table pour le déjeuner, un facteur arrivait qui me fit signer sur sa feuille l'émargement d'un gros pli. Expédié d'Alger par avion, l'enveloppe contenait un cahier de poèmes dactylographiés et une lettre où l'auteur, une femme, déclarait péremptoirement que des vers dactylographiés devaient être pris en considération aussi bien que des vers imprimés, et qu'elle ne doutait pas que les siens ne fussent trouvés excellents. Pour moi, je n'étais pas, je l'avoue, sans inquiétude. Avec des artistes de tendances aussi opposées, un résultat serait-il possible? Or, le choix se fit le plus aisément du monde. La quasi-unanimité des votants se porta sur Paul Valéry, que l'Académie française allait accueillir peu de temps après. J'avais eu l'idée, après le prix des peintres, d'en faire décerner un autre, toujours à un écrivain, mais cette fois par un jury de commis libraires. J'ai apprécié de tout temps leur activité, leur intelligence, leur art de se comporter avec l'acheteur et de le pénétrer. Un jour que j'étais chez Flammarion, comme une cliente entrée, « Ce doit être pour un don Joannès, » dit l'un des employés à un autre commis. Il va au-devant de la dame, qui, tout de suite, « Donnez-moi les dons Joannès de Marcel Prévost. » « Mais à quoi avez-vous deviné que c'était un don Joannès qu'elle voulait ? » dis-je à l'employé. « Ma foi, au chapeau de cette dame, à son air conquérant, à tout enfin. » En plus de leur qualité de psychologue, j'avais été frappée, en entendant converser des commis libraires, de voir à quel point ils aimaient les livres qu'ils vendaient. Et je ne doutais pas que, chargé de décerner un prix, ils ne fissent un choix excellent. Mais le syndicat des patrons libraires, auquel je m'adressais pour la mise à exécution de mon projet, me fit poliment remarquer que c'était la chose impossible. Et comme je m'en étonnais devant une personnalité du monde de la librairie, « Mais, monsieur Vollard, un bon commis libraire doit suivre les directives de son patron. S'il cherche à imposer au client ses idées personnelles, ce n'est pas un bon commis libraire. » Néanmoins, je n'abandonnais pas mon idée, mais je m'avisais que c'était le syndicat des commis libraires qui était le plus apte à réaliser un tel projet. Or, il se trouve que les commis libraires n'ont pas de syndicat. « Vous parlez de syndicat ?» me dit un ami à qui je faisais part de ma déconvenue. « Eh bien, il y a le syndicat des concierges. Pourquoi ne créeriez-vous pas un prix qui serait décerné par les concierges ?» Avant d'entreprendre aucune démarche en ce sens, je m'ouvris de cette idée au concierge d'une maison amie et que je voyais toujours un journal à la main. « Vous ne pouviez mieux tomber, » me dit-il. « On lit énormément dans notre corporation. Pensez donc, tous les journaux qui nous passent d'abord entre les mains. À la fin de l'année, cela fait un bel acquis. Avez-vous déjà pensé à une salle pour le déjeuner ?»« Mais quel déjeuner ? » fis-je. « Eh bien, le déjeuner où l'on décernera le prix. Il y aura les concierges de Paris, les délégués de province. » Devant mon geste de recul et cherchant à me rassurer, « Ils ne viendront forcément pas tous. » J'avais déjà gagné la porte, et c'est ainsi que le prix des concierges alla rejoindre le prix des commis libraires. Souvenir d'un marchand de tableaux, chapitre 16. Je deviens propriétaire à la campagne. Fontainebleau, le Tremblay sur Mauldre. La forêt de Fontainebleau, sur une superficie de quelque 17 000 hectares, s'est réunie la plaine plantée d'innombrables pins, les coteaux où moutonnent les fougères, les sous-bois et les clairières affectionnées de coraux, les rochers aux formes si variées qui évoquent les fantomatiques troupeaux sous-marins du temps où les eaux recouvraient ce qui est aujourd'hui la forêt. Mais, comme si la nature lui avait assez prodigué ses dons, elle lui refusa le bienfait des sources. Les rares points d'eau qu'on y trouve sont des puits obtenus en forant le sol à de grandes profondeurs. J'allais donc renoncer, pour ce motif, à acquérir un vaste terrain contigu à la forêt et qui me tentait beaucoup, lorsqu'un jour, me promenant par là avec un ami, tout à coup j'entendis comme le bruit d'un ruisseau. « Comment ? Une source ? » m'écriai-je. J'appelai mon compagnon de promenade, resté en arrière à herboriser. « N'entendez-vous pas un murmure, comme s'il coulait de l'eau ? » lui dis-je. « De l'eau ? Il n'y en a pas dans la forêt de Fontainebleau. On peut toujours se rendre compte. » Après quelques minutes de recherche, nous nous trouvâmes devant un ruisseau qui se perdait un peu plus loin dans le sable. Il faut, dit mon ami, qu'il y ait eu récemment une secousse sismique qui a fait jaillir une source. Or, en remontant le cours du ruisseau, voilà que nous nous trouvons en face d'un majestueux aqueduc qui déversait son eau de toutes parts. Je n'ignorais pas que l'on ménage dans un aqueduc des ouvertures pour laisser échapper le trop-plein. Mais je ne pus me défendre d'admirer l'œuvre du génial ordonnateur de ces eaux jaillissantes qui avait rassemblé ici toutes les fantaisies que nous offrent les fontaines en ruine. C'étaient de petites cascades, c'était mis le jeu d'un facétieux et invisible manneken-pisse qui s'épanchait d'un jet tantôt gros comme le bras, tantôt mince comme celui d'une seringue. Plus loin, c'était l'éparpillement en pluie d'une pomme d'arrosoir. Ce spectacle inattendu nous avait positivement emballés. Les terrains qui avoisinaient l'aqueduc étaient justement à vendre. Je me rendis acquéreur d'un certain nombre d'hectares. Mais un beau matin, en arrivant devant l'aqueduc, je tombe sur une équipe d'ouvriers. « Qu'est-ce qu'il y a ?» leur demandai-je. « On vient pour réparer l'aqueduc. Il y a bien 30 ans qu'on avait décidé de le faire. » Je fus atterré par cette révélation. Plus d'eau, c'était la fin de la féerie. J'en fus réduit à recourir à un sourcier qui, armé de sa baguette de coudrier, découvrit, heureusement pour moi, une nappe du précieux liquide et, par chance, à moins de 20 mètres de la maison que je faisais construire. Ce qui m'avait séduit autant que les jeux d'eau de l'aqueduc, c'était sur mon domaine d'énormes rochers tapissés de mousse et de lichen. L'un d'eux, un des plus imposants, dominait ma maison de sa masse. Une jeune étudiante qui préparait la licence S sciences naturelles était venue avec des amis passer la journée chez moi. Montrant un pin qui avait poussé le long du rocher, « Monsieur Vollard, me dit-elle, vous n'avez pas peur qu'un jour l'arbre qui soutient le roc ne cède et que la maison ne soit écrasée ?» Je rassurai la jeune savante. J'étais si impatient de savoir ma maison terminée que j'allais à Fontainebleau toutes les semaines. Or, un dimanche, en arrivant, je trouvai la maison par terre. Ce n'était plus qu'un amas de pierres et de poutrelles de fer. Voici ce qui s'était passé. Les fondations avaient été établies sur un gigantesque terrier de lapin. Il fallut naturellement reconstruire. Mais cette fois, l'entrepreneur, rendu plus prudent, me garantit par de solides fondations contre les menées souterraines des lapins. Néanmoins, cette leçon de choses me dégoûta, pour un temps, du métier de propriétaire. Le Tremblay-sur-Mauldre est un petit village à 15 kilomètres de Versailles et où n'accède pas le chemin de fer. La région est très fréquentée des artistes. À Saint-Germain-en-Laye, Maurice Denis possède une ancienne abbaye. Mayol habite à Marly-le-Roi. Caïx Roussel, le peintre des nymphes et des faunes, a l'étang la ville. Plus loin, ce sont les Vaux de Cernay, avec toute une colonie de peintres. Les arbres fruitiers abondent partout, et je ne connais pas de spectacle plus enivrant que celui qu'ils offrent au temps de leur floraison. On entend toujours vanter la fête des cerisiers en fleurs au Japon. Là-bas, la nature, même quand elle s'épanouit, laisse voir qu'elle a subi l'intervention de l'homme. Ici, les arbres poussent librement, et ce n'est pas un de leurs moindres charmes que d'apparaître à l'échelle des collines environnantes. En toute saison, du reste, ces paysages sont un enchantement, même par la neige. Je me souviendrai toujours du contraste de toute cette masse blanche s'opposant au bleu des collines qui ferment l'horizon. Un jour de printemps que je me promenais dans le voisinage, à deux pas du Tremblay, je me souvins que Blaise Cendrars y habitait. Une petite maison rose à côté du menuisier du pays, m'avait-il expliqué. Je la trouvai facilement. Cendrars était devant sa machine à écrire, au milieu d'un champ de pavots, des pavots de toutes les couleurs. Comme je m'extasiais. « Tout pousse merveilleusement ici. Pourquoi n'y viendriez-vous pas, volard? Il y a justement à vendre une maison ancienne, entourée d'un grand jardin. Venez donc voir. » Dès l'entrée, je fus séduit par les pilastres de la porte, surmontée de deux bouquets taillés dans la pierre, une pierre que le temps avait délicieusement patinée. La maison assez rustique, avec son vieux puits, était de cette époque où, jusqu'aux habitations paysannes, tout avait un si joli cachet. Une vaste grange attira mon attention. Quoi de plus simple que de la transformer en atelier? Précisément, un artiste qui travaillait pour moi s'était plaint souvent de n'avoir pas un petit coin, loin des bruits de la ville, où il pourrait peindre à son aise. Bref, je me laissai séduire et j'acquis la propriété. Mais à peine avais-je signé l'acte d'achat que les tribulations commencèrent. Ce fut d'abord le puits qui tarit. On m'expliqua que le terrain était sablonneux. Pour être sûr d'avoir de l'eau, il fallait creuser un autre puits muni d'un dispositif spécial. Pendant le temps que durèrent les travaux d'aménagement de la grange et du puits, mon peintre, à qui j'avais promis son atelier, ne cessait de me talonner. « Nous sommes déjà au milieu d'avril. L'atelier sera-t-il terminé pour juillet? Et le puits, quand sera-t-il couvert? Ce trou béant me donne des cauchemars. Je vois mes enfants tombant dedans la tête la première. » Enfin, vers la mi-juillet, je pus dire au peintre « Tout est prêt, venez voir. » L'artiste donna son approbation entière aux travaux exécutés. La fermeture hermétique du puits lui enlevait toute inquiétude. L'atelier aussi le satisfit. De l'ongle, il avait gratté le mur. « Voyez, me dit-il, le plâtre s'en va en poussière, signe que c'est bien sec. Je serai très bien ici. » Il ne devait pas revenir au Tremblay. Et moi non plus, je ne me décidais pas à habiter la maison qui s'élevait au milieu d'un champ de rosiers, des rosiers qui m'avaient donné tant de mal à faire pousser. Pourquoi tout cela me remit-il en mémoire une mésaventure qui m'arriva avec un chat que j'avais eu rue Lafitte? Cet animal avait l'habitude de grimper à un rideau fixé à une planchette sur laquelle il aimait à sommeiller. Quand il se réveillait en s'étirant, son dos heurtait le plafond. Un jour, je me dis, « Cette malheureuse bête, je vais lui faire abaisser sa planchette. Le plafond ne le gênera plus. » La chose faite, je vis le chat grimper au rideau et s'installer à sa place habituelle. Mais quand, après s'être réveillé, il se mit à faire le gros dos et qu'il ne sentit plus l'obstacle du plafond, brusquement, il sauta à terre et jamais plus il ne regrimpa au rideau. Souvenir d'un marchand de tableaux, épilogue. L'année qui suivit l'armistice, je reçus de deux jeunes étrangers cette curieuse lettre. Honorable maître, nous sommes dans le dessein d'ouvrir dans notre ville un commerce de tableaux. Nous avons été renseignés que vous avez, en cette spécialité, une expérience consommée. Nous prenons l'assurance de venir là-dessus demander votre conseil, comment on fait fortune. Excusez l'importunité de deux jeunes débutants qui ont pour vous la plus sympathique considération. Recevez, honorable monsieur, etc. Autant qu'ils m'en souviennent, je leur répondis en substance ceci. Je ne connais pas de secret pour faire fortune. Mon expérience, dont vous me demandez de vous faire profiter, me rappelle seulement tout ce que je dois à mon invincible propension au sommeil. Maintes fois, l'amateur, entrant dans ma boutique, m'y trouvait assoupi. Je l'écoutais encore à moitié endormi, dodelinant de la tête en essayant péniblement de répondre. Le client, prenant pour un refus mon inintelligible ronronnement, augmentait progressivement son offre. De telle sorte que, quand j'étais à peu près réveillé, mon tableau avait obtenu une appréciable hausse. C'est le cas de dire que la fortune vient en dormant, et c'est la grâce que je vous souhaite. Thank you.